C'est-à-dire Jean-Jacques est heureux, n'est-ce pas, Evelyne? Oui. Mais et Simone? Mais Simone est heureuse. Par contre, on va dire Jean-Jacques est menteur. Mais Simone, l'horrible Simone est menteuse. Alors, pourquoi heureux, heureuse, mais menteur, menteuse? Effectivement, c'est une histoire un petit peu longue et un petit peu compliquée. Il faut revenir, pour bien la comprendre, au XVIIe siècle. J'y suis. Vous y êtes? Oui, je vois les carrosses qui passent, là. Eh bien, ce que vous devez voir également, c'est le R final. Je le vois parfaitement, je l'entends même. Non, vous ne l'entendez plus parce qu'il cesse d'être prononcé, quasiment partout. C'est ça l'important, alors. Au XVIIe siècle, on ne disait pas un menteur, on disait simplement un menteux, je vous ai bien compris? Tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas tellement extraordinaire. Si vous avez l'occasion de quitter la France et d'aller dans d'autres pays où l'on parle français outre-mer, eh bien, vous verrez également que ce R n'est pas toujours prononcé. Revenons donc au XVIIe siècle, si vous le voulez bien, où l'on prononce fini et non pas finir, couri et non pas courir, mais également aimer et non pas aimer, comme on dit monsieur et non pas monsieur, mais là ça ne nous surprend plus puisque toujours aujourd'hui on continue à dire aimer et monsieur. Donc il y a des cas où ça a changé et des cas où ça n'a pas changé. C'est ce qu'on appelait l'amuissement du R, si l'on veut être linguiste. On ne prononçait pas l'R final à la terminaison des mots. J'ai une autre preuve. Vous connaissez parfaitement l'expression « par oui dire ». Je le sais par oui dire, j'en ai entendu parler. Eh bien justement, au départ, on disait « par ouïr dire », c'est-à-dire par le fait d'entendre dire, ouïr égale entendre. Et à partir du XVIIe siècle, avec la chute du R, on entend simplement par oui dire. Et pour en finir avec cet état ancien de la langue, un adjectif comme menteur se prononçait donc menteux, mais attention, son féminin, du coup, se prononçait menteuse sur le modèle heureux, heureuse. Mais comment se fait-il que cet usage ait changé? Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas dû uniquement à une tendance populaire. Ça a été, passez-moi l'expression, un coup des grammairiens. Et en particulier, Vaugelas, un grammairien du XVIIe siècle, a essayé de restaurer la prononciation de ce R final. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il a réussi. Ça a marché d'une certaine façon, pas dans tous les cas, mais ça a marché pour les verbes du deuxième et du troisième groupe. On ne dit plus « il faut finir ce travail », on dit « il faut finir ce travail ». Ça a marché également pour des adjectifs, par exemple, comme « fier ». On disait « fier », on dit « fier ». On disait « amé », on prononce maintenant « amer », « amer ». Ce qui est un peu une exception par rapport à l'ensemble des mots qui se terminaient en « er » ou en « ier », en « est » ou en « ier » par conséquent, puisqu'on dit bien « épicier », « boucher » et non pas « épicière », « bouchère », qui sont les féminins des deux substantifs masculins précédents. De même pour les verbes du premier groupe, hein, « aimer » et « couper », on ne prononce pas « aimer » et « couper ». Enfin bref, c'est la plus grande pagaille qui a été instaurée par ce système. Et donc, nous en revenons à notre histoire de menteur et menteuse. Ce qu'on prononçait menteux, le voilà redevenu menteur, mais avec un féminin dont on ne comprend plus du tout l'origine, puisque menteur fait menteuse au féminin. Dernier rejeton de toute cette pagaille, eh bien par exemple, le nom très charmant d'une rue parisienne, la rue J. Lecoeur. Que veut dire cette rue J. Lecoeur? Eh bien, moi je pensais que c'était là où le cœur gisait, oui, répandu aussi et sanguinolent mais sur la rue. Il paraît que ce n'est pas mais ça. Mais pas du tout. Au départ, il s'agissait de Gilles Lequeux, le cuisinier, le cocus en latin. Et comme on a rajouté des R au XVIIe siècle, on a dit Gilles Lecoeur, d'où J. Le cœur en trois mots. C'était Parler au quotidien, une coproduction du Centre national de documentation pédagogique et de Radio France Internationale.